L'hiver est arrivé. Le givre a remplacé les feuilles sur les rameaux. Le ruisseau s'est changé en un ruban de cristal. La neige a jeté sur nos plaines son manteau éclatant de blancheur et triste. Pourtant, à cause de son implacable uniformité, les travaux des champs sont depuis longtemps finis. Et le cultivateur, comme la fourmi prévoyante, a rempli ses greniers. Plus de chants dans le ciel, plus de murmures dans les rameaux. Mais le sifflement de la brise et le gémissement de l'indigence. Cependant, un nom mystérieux passe de temps à autre sur l'aile glacée de la rafale. Et à ce nom, le monde tressaille. Le pauvre, en sa chaumière, où il grelotte de froid et rêve du pain, qu'il a vu sur la table du riche, le pauvre, sur le point de se désespérer, entend ce nom et reprend courage. Le riche entend ce nom et sa main s'ouvre pour épandre les aumônes. Les enfants à ce nom promettent d'être plus sages, et leur jeune imagination voit flotter dans un océan de lumière toutes les merveilles racontées au coin du feu par l'aïeul octogénaire. À ce nom, les vieillards versent une larme de bonheur ou de regret, et leurs voix chevrotantes partent à fredonner le vieux cantique « Il est né, le divin enfant ». Noël, Noël, voilà le nom qui vole, de bouche en bouche, du couchant à l'Orient, Noël, Noël, voilà le nom qui traverse soudain les mers et les continents, le nom qui éveille le monde et l'agite comme une immense secousse électrique. Sous les cieux brûlants du midi, aux glaces éternelles du pôle, sur les montagnes de l'Asie, dans les vallées de l'Europe, dans les déserts de l'Afrique, au fond des plages de l'Océanie, dans les solitudes de l'Amérique, partout ce cri s'élève, cri de joie, d'espérance et d'amour, Noël, Noël. Voilà la fête par excellence, la fête sacrée mais populaire à la fois. Sacrée parce qu'elle nous rassemble autour du berceau de Jésus naissant, populaire à cause des charmes qu'elle emprunte à la nature et des coutumes rien moins que religieuses qui à certaines époques l'accompagnèrent. Il ne sera pas inutile d'étudier un peu ensemble cette grande solennité chrétienne. Et d'abord, d'où vient ce mot Noël? Quelques auteurs le font venir d'Emmanuel, Dieu avec nous. D'autres y voient une corruption du mot natalis, natal. Mais il est plus probable que ce mot vient du vieux cri druidique Guilan-neuf. Ce cri, qu'on abrégeait en ne prononçant que sa dernière syllabe, accentuait diversement elle-même, suivant le patois, ne, néo, et même no, en poitou, et noï, ou noé, en Bourgogne, devint en effet l'acclamation joyeuse, dont on salua la venue du Christ comme au temps celtique, on en avait salué la venue de l'année nouvelle. On ne sait pas au juste à quelle époque on doit fixer l'institution de cette fête, mais elle est certainement de date très ancienne, puisque saint Jean Chrysostome dit que depuis la Thrace jusqu'à Cadix, c'est-à-dire dans tout l'Occident, elle était célébrée dès le commencement. L'usage de dire trois messes est antérieur au VIe siècle. Au Moyen Âge, cette fête devint profane autant que religieuse. C'était la solennité par excellence, et celle qui donnait lieu aux plus grandes réjouissances publiques. Aussi, les abus qui se glissent partout l'entachèrent bientôt. On alla jusqu'à faire dans les églises des mascarades grotesques. Le scandale fut réprimé. Cependant, il existait encore, à Valladolid, en Espagne, au milieu du VIIe siècle. En Allemagne, la fête de Noël a un caractère de naïveté qu'on ne retrouve point ailleurs, parce qu'on en fait aussi la fête des enfants. Dans les pays du nord de l'Europe, en Suède surtout, la famille se réunit autour de l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est un joli sapin, le plus riche en feuilles et le mieux fait que l'on ait pu trouver dans la forêt, mais tout petit et tout vert de jeunesse. On le place solennellement sur une table et on l'entoure de lumière. Puis, à ses rameaux, l'on suspend les présents de toutes sortes destinés aux enfants ou aux amis. Le Suédois le plus pauvre arbore son arbre de Noël, et pour l'éclairer un peu au moins, il brûlera la dernière de ses pâles chandelles de suif. Là, non seulement les hommes, mais les animaux aussi se réjouissent. Les crèches regorgent de foin et du meilleur. L'étrille est plus caressante et la litière de paille plus fraîche et plus moelleuse. Et l'on songe aussi aux petits oiseaux, qui ne trouvent plus leur nourriture dans les champs. Et sur le toit de chaque ferme, pour les effrayer un peu, on attache une gerbe de blé. Dans la Franche-Comté et dans presque toute la France, l'arbre poétique de Noël est remplacé par la tronche. La tronche, c'est une énorme bûche de sapin que l'on place avec cérémonie dans l'une de ces vastes cheminées, dont on trouve encore ici même quelques exemplaires. Sous cette bûche sont cachés les présents que le petit Jésus a apportés aux enfants sages et obéissants. Le matin venu, la famille s'agenouille près de la bûche et prie quelques instants. Puis le père soulève peu à peu la pesante tronche, et les bonbons, les jouets apparaissent tout à coup aux yeux émerveillés des enfants. Ici, nos petits-enfants suspendent leurs bas au pied de leur lit. Ils s'endorment en rêvant aux bonbons que le petit Jésus va mettre dedans pendant leur sommeil. La nuit de Noël est féconde en prodiges, si l'on en croit nos grands-mères. Je n'ai pu vérifier aucun des récits que j'ai entendus, et je ne veux pas jurer de leur vérité. Il paraît cependant que cette nuit-là, comme le jour des morts, les trépassés se lèvent, sortent de leur sépulcre et viennent s'agenouiller autour de la croix du cimetière. Alors s'avance un prêtre en surplis blanc et en étole dorée. C'est le dernier curé de la paroisse. Il récite à haute voix les prières de la nativité, et tous les morts répondent avec dévotion. Ensuite, tous ces spectres se relèvent, regardent le village où ils sont nés, la maison où ils sont morts, et rentrent en silence dans leur cercueil. Si cette histoire manque de vérité, elle ne manque pas de poésie. Une autre qui tombe mieux dans les goûts de notre époque et qui a dû causer bien des insomnies aux avares est celle qui nous apprend que dans cette même nuit de Noël, les sables des grèves, les rocs des collines et les profondeurs des vallées s'en trouvent pour faire reluire à la clarté des étoiles ou de la lune les trésors cachés dans leur sein. Cette croyance n'aurait-elle pas eu pour point de départ la plus étonnante et la plus heureuse des vérités? Les entrailles de la terre qui produisent un dieu et l'étoile mystérieuse du ciel qui rayonne sur l'humble berceau de ce dieu pour le faire adorer des hommes. Aperiatur terra et germine salvatorem. Une histoire plus singulière encore que les précédentes, et bien facile à vérifier, est celle-ci. Dans cette nuit extraordinaire, les hommes, j'allais dire les femmes, ne parlent pas plus qu'à l'accoutumée. Mais en revanche, les animaux sont doués du don magnifique qui permet de déguiser sa pensée. Ils parlent. Oui, bœufs et génisses, chevaux et brebis se font des confidences étranges, et qui surprendraient bien leur maître. Ils se disent d'une voix de lente, comme le foin est sec, et la voix ne rare. Ils se rappellent leurs ébats dans la prairie, et secouent tristement la chaîne du licou qui les captive. Ils pensent, mais je n'en finirais plus si je disais tout ce que pensent de nous les animaux. Si la Noël a exercé l'imagination des conteurs, elle n'a pas moins inspiré les poètes. Et le nombre des cantiques qui se chantent dans le monde catholique à la nativité est étonnant. Si tous ces couplets sont le fruit de la piété, la plupart, il faut bien le dire, ne sont pas le produit du génie. Cependant, comme Dieu ne juge pas les hommes d'après leur esprit, mais bien d'après leur cœur, on peut croire que ces chants, même les plus vulgaires, lui sont agréables. Saint Jérôme rapporte que, de son temps, les chrétiens de la Thébaïde célébraient par des cantiques la naissance du Christ. Ce sont, dit-il, les chansons de nos provinces et les airs de nos bergers, importés dans l'Europe chrétienne. Cet usage des chants rustiques en l'honneur de la nativité dut, pour rester fidèle à son origine populaire, s'accoutumer de l'idiome national et se plier au rythme des airs de la campagne. En Italie, ces chants conservaient si bien le caractère agreste qui leur convenait qu'on les avait d'abord appelés pastourelles ou cantiques des pasteurs. En Angleterre, ces cantiques se chantèrent sur des airs de rondes champêtres. Aussi les appela-t-on Christmas Carol, les rondes de Noël. Il paraît même que ces cantiques se chantaient la veille de Noël, au milieu des danses, dans les cimetières des églises. Noël, Noël, dans nos campagnes heureuses, à ce cri d'allégresse, tous les habitants, dès avant minuit, s'acheminent vers le sanctuaire. Ils vont dans la nuit profonde, vers celui qui est la lumière. Les étoiles brillent au firmament, et la neige de nos pères scintille sous leurs rayons joyeux. Les cloches s'ébranlent sur leurs essieux, et de leurs voix harmonieuses annoncent dans toutes nos paroisses, dans toutes les villes, l'hosanna qui va de monde en monde jusqu'au parvis des cieux. Et le vieillard courbé sous le fardeau des années, l'enfant qui s'épanouit à la vie, l'homme, la femme et la jeune fille, les riches dans leurs vêtements somptueux et les pauvres dans leurs haillons, les heureux qui sourient et les infortunés qui pleurent, tous, tous, obéissant à une même pensée, attirés par le même spectacle merveilleux, poussés par une même force surnaturelle, oublient pour un instant les choses de la terre, rejettent le souvenir des fêtes passées et tout entier à l'ivresse de la solennité nouvelle, la plus belle, la plus sainte et la plus populaire des fêtes, s'en vont chantant partout. Noël, Noël.